fosani no akabori nanti kaina akabori tenga oina anega bakasina d'une fille, elle est une beauté de fée, semblable au Phyllis à elle, elle m'a dit que son amour est bambata. Ahiga hata gahan, alagaba koine kaina, jende kanamande hanka, bakasina koni. Je demande de temps en temps si elle m'aime encore un peu. Elle me répond gentiment si tu sais que mon amour est bambata. Seul l'amour n'est pas raciste. Il t'emmène sans frontières. L'essentiel est de s'aimer. Amina, oui, notre amour est bambata. Il m'a koi, koi, koi. Il m'a koi. Iri ma koi, koi, koi, iri ma. Tout le monde.